Section 27 de La lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 3e, section 27. Mensonge, par Paul Bourget. Chapitre 16. Histoire d'un soupçon. La méchante femme! Se répétait René en descendant l'escalier du théâtre, que remplissaient les éclats de voix de l'avertisseur, criant « On va commencer !» Ses jambes tremblaient sous lui, et il se demandait « Pourquoi m'en veut-elle » Sans comprendre qu'un quart d'heure durant, il avait représenté Claude au regard de Colette. Peut-être aussi la joie de l'actrice à lui percer le cœur dérivait-elle de la rancune que nous gardent souvent les maîtresses de nos amis quand elles ont éprouvé que nous ne leur ferions jamais la cour. La fidélité de l'homme à l'homme est un des sentiments qui blesse le plus profondément la femme. « Que lui ai-je fait ? » reprenait le poète. Et il était incapable de répondre à cette question, incapable aussi de ressaisir ses idées. Certaines phrases qui retombent sur notre esprit sans préparation nous étourdissent comme un coup asséné brutalement sur notre tête. C'est une stupeur momentanée, un arrêt subi, même de la souffrance. René ne revint à lui tout à fait qu'en se retrouvant sur la place du Palais-Royal, grouillante de voitures. Son premier mouvement fut un accès de rage furieuse contre Claude. « L'indigne, l'indigne ami !» se dit-il. « Comment a-t-il pu livrer mon secret à une pareille fille ? Et quel secret ? Qu'en savait-il ? Une rougeur sur ma joue, un peu de trouble en prononçant un nom ? C'en est assez pour qu'il aille déshonorer une femme qu'il connaît à peine ? Auprès d'une coquine dont il va proclamant partout l'infamie ? Le souvenir de la conversation où l'archer avait pu surprendre son sentiment naissant pour Suzanne ressuscita en lui avec son moindre détail. Il se revit dans l'appartement de la rue de Varennes et des épreuves d'imprimerie sur le divan et la face de Claude rendue plus livide encore par la clarté glauque des vitraux. Il vit le rire qui avait grimacé sur cette face, tandis que cette bouche ironique laissait tomber ses mots. « Ah ! Vous n'en êtes pas amoureux !» Il vit aussi le passage d'hésitation qui avait immobilisé cette bouche quand lui, René, avait demandé « Alors, vous savez quelque chose sur elle ?» Le même flot de mémoire lui rapporta d'autres images associées à celle-là. Il entendit la voix de Suzanne disant, dès leur troisième causerie « Votre ami, monsieur l'archer, je suis sûr que je ne le suis pas sympathique. » Encore ce matin, n'avait-elle pas formulé cette défiance ? Ah ! Elle n'avait eu que trop raison de se défier de cet homme. S'il ne l'avait accusé que d'une intrigue avec lui, René. Mais cette immonde accusation, l'autre, qu'elle était entretenue par des forges, il avait osé la proférer. Ce qui rendait cette idée intolérable au poète, ce n'était pas qu'il eût une ombre d'ombre de soupçons contre sa chère maîtresse. Seulement, il sentait que Colette n'avait pas menti en disant tenir cette infamie de l'archer. Si l'archer avait répété cette atroce chose, il fallait qu'il eût recueilli de quelque autre bouche, et si Suzanne avait insisté comme elle l'avait fait, à deux reprises, pour apprendre comment Claude parlait d'elle, c'est qu'elle se savait en proie à l'outrage de cette abominable calomnie. René aperçut en pensée ce déforge qu'il avait rencontré une fois chez elle, ce vieux beau, avec sa tournure d'officier engraissé, son teint à la fois trop rouge et comme fané, ses cheveux grisonnants. Et elle, il se la figura telle qu'il avait tant aimé le matin encore, si blonde, si blanche, si fine, avec ses beaux yeux bleus si purs, avec cette délicatesse de tout son être qui donnait un caractère presque idéal aux baisers les plus passionnés. Et c'était cette femme qui avait pu être salie d'un tel racontard. « Ah ! » dit René tout haut, « le monde est trop horrible !» Et quant à Claude, il avait eu pour ce dernier une affection si vraie, et c'était cet ami, le plus cher, qui avait parlé de sa Suzanne de cette ignoble manière, comme un goujat et comme un traître. Quel contraste avec ce pauvre ange, ainsi insulté, qui, le sachant, n'avait pas trouvé d'autre vengeance que de dire « Je lui ai pardonné ». Et toutes les autres fois qu'elle avait nommé Claude, ça avait été pour le louer de son talent, pour le plaindre de ses fautes. Brusquement, René se rappela cette autre phrase de sa pauvre madone. Ce n'est pas une raison de se venger sur les autres femmes en leur faisant la cour au hasard. j'ai presque dû me fâcher un jour que je me trouvais à table à côté de lui. « Ah !» se dit le jeune homme, avec une recrudescence de colère. « Voilà la cause. Il lui a fait la cour, elle l'a repoussé. Et il l'a diffame, c'est dégoûtant. » René avait marché parmi ses réflexions cruelles jusqu'à la place de l'Opéra, et machinalement, il avait tourné à droite, remontant ainsi le boulevard sans presque s'en douter. L'amertume et le dégoût répugnaient si profondément à cette âme encore pure, que ses sentiments se fondirent bientôt en une tendresse infinie pour cette femme si aimée, si admirée, si indignement traitée par le perfide Claude et par la féroce Colette. Que faisait-elle à cette heure? Elle était là-bas, dans une loge du gymnase, forcée par son mari d'assister à un spectacle quelconque, envahie par une mélancolie dont leur amour était la cause, et en train de songer à leur baiser. Il n'eut pas plutôt évoqué l'image de son adorable profil qu'un besoin de la revoir réellement s'empara de lui, instinctif, irrésistible. Il héla un fiacre qui passait et jeta le nom du théâtre au cocher, sans même réfléchir. Que de fois il avait été tenté ainsi, quand il savait que Suzanne passerait la soirée dans quelque endroit public, d'y aller lui-même. Il avait toujours repoussé cette tentation par un scrupule de rien faire, en son absence, qui fut contraire à ce qu'il lui avait promis en sa présence. D'ailleurs, la nature de son imagination se complaisait étrangement à cette scission absolue entre les deux Suzanne, celle du monde et la sienne à lui. Et par-dessus tout, il redoutait la rencontre de Paul Morin. Il avait lu Fanny, et il appréhendait à l'égal de la mort l'affreuse jalousie décrite dans ce beau roman. Un écrivain d'analyse comme Claude eût trouvé là un motif de rechercher cette rencontre avec le mari, afin de se procurer une plaie nouvelle du cœur sur laquelle braquer son microscope. Les poètes chez qui la poésie n'a tourné ni à la corruption ni au cabotinage possèdent un instinct qui leur fait éviter ces déshonorantes expériences. Ils respectent en eux-mêmes la beauté du sentiment. Tandis que la voiture roulait du côté du boulevard Bonne Nouvelle, tout cet ensemble des motifs auxquels René avait scrupuleusement cédé autrefois lui revint à l'esprit. Mais il avait été touché par les phrases de Colette, plus profondément qu'il ne voulait, qu'il ne pouvait se l'avouer. Une vision de hideur avait passé devant ses yeux. Elle pourrait revenir. Il le sentait sans se le formuler, et aussi que la présence de Suzanne était la plus sûre garantie contre ce retour. Les amoureux subissent de ces élans irraisonnés, effets dans leur cœur de cet instinct de conservation que nos sentiments possèdent, comme des êtres. La voiture roulait, et René plaidait la cause de sa désobéissance aux conventions arrêtées avec son ami sur l'emploi de sa soirée. Mais s'il pouvait savoir ce que j'ai dû entendre, ne serait-elle pas la première à me crier « Viens lire mon amour sur mon visage !» Et puis, je la verrai un quart d'heure seulement, et je m'en irai laver de cette souillure. Et le mari? Ah, il faudrait bien que je le rencontre tôt ou tard. Et puisqu'il n'est plus rien pour elle. Madame Morin n'avait pas manqué de servir à son amant préféré le grand mensonge de toutes les maîtresses mariées, qui est quelquefois une vérité, comme le démontrent les comptes rendus des procès en séparation. René trouva dans la pensée de la délicatesse qu'elle avait mise à prévenir aussi, jusqu'à ses plus inavouées, à ses moins légitimes jalousies, un prétexte de plus à maudire les calomniateurs de cette créature sublime. La maîtresse de Desforges, cette femme-là? Et pourquoi? Pour de l'argent? Quelle sottise! Elle, la fille d'un ministre et la femme d'un homme d'affaires. Ah, ce Claude, comment a-t-il pu? Tout ce tumulte d'idées s'apaisa par la nécessité d'agir, quand le jeune homme se trouva devant la porte du gymnase. Il ne voulait à aucun prix que Suzanne l'aperçût. Il resta donc quelques minutes, debout sur les marches, réfléchissant. L'acte venait de finir, car les spectateurs commençaient de sortir. Cette circonstance fournit au poète l'idée d'une ruse très simple pour voir sa maîtresse sans en être vue. Prendre un premier billet qui lui donna le droit d'entrer, profiter de l'entracte pour fouiller la salle du fond des couloirs qui vont au fauteuil d'orchestre ou de balcon, et, lorsqu'il aurait trouvé la loge de Suzanne, demander au contrôle une seconde place, d'où il put en toute sécurité repaître ses yeux de cette adorable présence. Comme il débouchait dans le théâtre, il eut un moment de vive émotion à croiser un des élégants rencontrés chez Madame Komoff, le jeune marquis de R, qui passa, ayant la boutonnière de son habit, un brin de muguet avec de la fougère, balançant sa canne de soirée et chantonnant l'air des cloches, déjà presque démodé alors. Dans mes voyages, que de naufrages! Mais d'une voix si basse qu'à peine s'entendait-il fredonner lui-même. Il frôla René du coude, sans plus le reconnaître ou sembler le reconnaître, que ne l'avait fait Salvanet. Mais déjà le poète s'était glissé jusqu'à l'entrée de l'orchestre. Il n'eut pas à chercher bien longtemps à travers la salle. Madame Morène occupait la troisième baignoire à partir de l'avant-scène, presque en face de lui. Elle était là, seule, sur le devant de la loge. Deux hommes se tenaient dans le fond, l'un debout, jeune encore, beau garçon à la moustache forte, au teint chaudement ambré, était sans doute le mari. L'autre assis, ah, pourquoi le hasard? Ce ne pouvait être que le hasard. Avait-il amené dans cette loge, et ce soir-là précisément, l'homme à propos duquel l'abominable Colette avait bavé sur Suzanne? Oui, c'était bien le baron des Forges qui occupait le siège placé derrière Madame Morène. Le poète n'hésita pas une minute à reconnaître le profil énergique du baron, ses yeux bruns, si clairs, dans son teint presque enflammé, son front encadré de cheveux presque blancs, sa moustache blonde. Mais pourquoi, de voir ce vieux beau parler familièrement à Suzanne, à demi retourné et qui s'éventait, tandis que Morène lorgnait les loges avec une jumelle, fit-il du mal à René, tant de mal qu'il se retira brusquement du couloir. Pour la première fois depuis qu'il avait eu le bonheur d'entrevoir la jeune femme, à la porte du salon de l'hôtel Komoff, toute blonde et mince dans sa robe rouge, le soupçon venait de pénétrer en lui. Quel soupçon! S'il avait dû l'exprimer avec des mots, il n'aurait pas pu. Et cependant, lorsque Suzanne lui avait parlé, ce matin même, de sa soirée au gymnase, elle lui avait dit « J'y vais avec mon mari, en tête-à-tête. » Quel motif l'avait poussé à fausser ainsi la vérité? Certes, le détail était sans importance, mais un mensonge, petit ou grand, est toujours un mensonge. Après tout, peut-être des Forges se trouvaient-ils seulement en visite dans la loge. Et, durant l'entracte, cette explication était si naturelle, si péremptoire aussi, que René l'adopta tout de suite. Il allait d'ailleurs la vérifier sans plus tarder. Il retourna au contrôle et se fit donner un des fauteuils d'orchestre du fond, à gauche. Il avait calculé que c'était la place d'où il aurait le plus de chances d'observer la loge des Morène en toute liberté. La salle se remplit de nouveau. Les trois coups résonnèrent. Le rideau se leva. Desforges ne partit point de cette loge. Il resta à la même place du fond, penché du côté de Suzanne, échangeant des remarques avec elle. Mais pourquoi non? Sa présence ne pouvait-elle pas s'expliquer de mille manières, sans que Suzanne eût menti en s'entaisant? Pourquoi Morène ne l'aurait-il pas invitée à l'insu de sa femme? Il parlait familièrement à cette dernière, et il lui répondait de même. Mais lui, René, ne l'avait-il pas rencontré chez elle? Un homme du monde cause, pendant le spectacle avec une femme du monde. Est-ce que cela prouve qu'une liaison ignoble d'adultère et d'argent existe entre eux? Le poète raisonnait de la sorte, et ce raisonnement lui aurait semblé irréfutable, s'il eût constaté sur la physionomie de Madame Morène un seul de ces passages de mélancolie qu'il s'était attendu à y rencontrer. Tout au contraire, dans son élégante robe de théâtre en dentelle noire, et ses cheveux blonds coiffés d'un chapeau rose, elle lui apparaissait si complètement heureuse, sans pensée aucune de derrière la tête. Elle avait une si libre façon de rire aux plaisanteries de la pièce, la gaieté de ses yeux se faisait si franche, si communicative, lorsqu'elle échangeait ses réflexions avec l'un ou l'autre de ses deux cavaliers. Elle croquait, avec une si gentille gourmandise, à de certains moments, les fruits glacés de la boîte posée devant elle, qu'il était impossible de soupçonner qu'elle eût accompli le matin un pèlerinage à l'asile de ses plus secrètes, de ses plus profondes amours. L'émotion du rendez-vous avait si peu laissé de traces sur ce visage, comme rayonnant de frivolité, que René en croyait à peine son propre regard. Il s'était attendu à la trouver si autre. Le mari non plus, avec la jovialité cordiale de son mâle visage, ressemblait si peu à l'homme ombrageux, renfermé et sombre, que l'amant crédule s'était figuré d'après les confidences de sa maîtresse. Le malheureux était venu chercher au théâtre un apaisement définitif du trouble où l'avait jeté le discours de Colette. Quand il rentra à Couette-Logon, ce trouble avait augmenté. On a dit souvent que nous ne garderions pas beaucoup d'amis si nous écoutions parler, quand nous n'y sommes pas, ceux à qui nous donnons ce titre. Il fait encore moins bon surprendre dans son naturel la femme que l'on aime. René venait d'en faire l'expérience, mais il était trop passionnément épris de Suzanne pour se rendre à cette première vision de la duplicité de sa madone. « Bah !» se dit-il, lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, et qu'il retrouva sur son oreiller sa sensation pénible. « Elle était de bonne humeur hier au soir. Faut-il que je sois assez égoïste pour le lui reprocher ?» Le baron des Forges était dans sa loge, quand elle m'avait dit qu'elle irait au théâtre en tête-à-tête avec son mari. Elle me l'expliquera dans notre prochain rendez-vous. Son mari n'a pas la physionomie de son caractère. Les physionomies sont si menteuses. Ce Claude Larcher m'a-t-il assez trompé avec la câlinerie de ses gestes, avec sa figure ouverte, avec sa manière de me rendre des services et de paraître ne pas s'en souvenir? Et puis cette trahison. Toute la cruauté des impressions ressenties la veille se transforma de nouveau en une rancune encore plus furieuse contre celui qui avait été, par son infâme bavardage, la cause première de ce chagrin. Dans l'excès de son injustice, René méconnaissait les plus indiscutables qualités de l'ami qui avait été son protecteur, le désintéressement absolu, la grâce à se dévouer sans retour personnel, l'absence radicale d'envie littéraire. Il ne faisait même pas à Claude cette charité d'admettre que ce dernier eût parlé à Colette légèrement, imprudemment, mais sans intention de perfidie. L'amant de Suzanne ne pouvait pas demeurer l'ami d'un homme qui s'était permis de dire de cette femme ce que Larcher en avait dit. Voilà ce que René se répéta durant tout le jour. Une fois rentré à la bibliothèque, où le travail lui avait été presque impossible, il s'assit à sa table pour écrire à ce félon une de ces lettres qui ne s'effacent plus. Cette lettre, une fois terminée, il la relut. Il y prenait la défense de Madame Morène en des termes qui proclamaient son amour. Et maintenant, plus que jamais, il voulait que Claude ne fût pas en possession de son secret. « À quoi bon lui écrire » conclut-il. « Quand il reviendra, je lui dirai son fait. C'est plus digne. » Il se préparait à déchirer ce papier dangereux lorsque Émilie entra, comme elle faisait d'habitude avant dîner, pour demander à son frère des nouvelles de son travail. Elle lut, avec sa curiosité naturelle de femme, l'adresse tracée sur l'enveloppe et elle demanda. « Tiens, Claude est à Venise. Tu as donc eu de ses nouvelles ?»« Ne prononce plus jamais ce nom devant moi, » répondit René, qui lacéra la lettre, avec une espèce de rage froide. « Vous êtes brouillé ?» demanda Madame Frénaud, qui gardait à Larcher un culte reconnaissant. « Pour toujours, » répliqua René. « Ne me demande pas pourquoi. C'est le plus perfide des amis. » Émilie n'insista pas. Elle ne s'était pas trompée à l'accent de son frère. Il souffrait, et sa rancune contre Larcher était profonde. Mais pour qu'il se tût sur les causes de cette rancune auprès de sa sœur, il fallait qu'il s'agît, entre les deux amis, de toute autre chose que de discussion littéraire. Par une de ces intuitions comme la tendresse passionnée en trouve toujours à son service, Émilie devina que les deux écrivains étaient brouillés par la faute de cette femme, dont René ne prononçait plus jamais le nom devant elle. De cette Madame Morène qu'elle commençait de haïr à présent, pour le même motif qu'elle l'avait d'abord tant aimé. Elle voyait, depuis quelques semaines, les joues de son frère se creuser, les yeux se cerner, une pâleur de lassitude s'étendre sur ce visage chéri. Quoique profondément honnête, elle était trop fine pour ne pas attribuer cette fatigue à sa véritable cause. Elle y songeait en recopiant ses fragments du Savonarole, comme elle avait fait celui du Sigisbée, et bien qu'elle éprouvât une admiration aveugle pour la moindre page sortie de la plume de René, toutes sortes de signes venaient lui attester la différence d'inspiration entre les deux œuvres, depuis le nombre des vers composés à chaque séance de travail, jusqu'au remaniement continuel des scènes, jusqu'à l'écriture qui avait perdu un peu de sa fermeté nerveuse. La source de franche, de large poésie, d'où avait jailli le Sigisbée, semblait maintenant tarie. Qu'y avait-il de changé pourtant dans l'existence de René? Une femme y était entrée. C'était donc à l'influence de cette femme qu'Émilie attribuait cet affaiblissement momentané dans les facultés du poète. Elle allait plus loin, jusqu'à en vouloir à la dangereuse inconnue des douleurs de Rosalie. Par un mirage de mémoire familier aux âmes excessives, elle oubliait quelle part elle-même avait prise à la rupture de son frère avec la petite O'Farrell. C'était Madame Morène sur qui retombait toute la faute. Et aujourd'hui, cette même Madame Morène brouillait René avec le meilleur des amis, le plus dévoué, celui que la fidèle sœur préférait, parce qu'elle avait mesuré l'efficacité de cette amitié. Mais comment s'y est-on pris, songeait-elle, puisque Claude n'est pas là. Elle s'ingéniait à résoudre ce problème tout en vaquant aux soins de son ménage, faisant répéter ses leçons au petit Constant, vérifiant les comptes du bon Fresneau, examinant boutonnière à boutonnière et pli à pli le linge de son frère. Ce dernier, lui, était enfermé dans sa chambre, où tout lui rappelait l'unique, l'adorable visite de Suzanne. Et il attendait avec une fiévreuse impatience le jour du prochain rendez-vous. Il subissait ce travail sourd de la médisance une fois entendue, tout pareil à un empoisonnement. On va, on vient, on ne se sait malade que par une inquiétude douloureuse et vague. Cependant, le virus fermente dans le sang et va éclater en accident formidable. Certes, le jeune homme ne croyait toujours pas aux honteuses accusations portées par Colette contre Suzanne. Mais, à force de les reprendre pour les réfuter, il y avait accoutumé comme apprivoisé son esprit. À l'instant où Colette lui avait parlé, il n'avait pas même discuté une pareille infamie. Il commençait de la discuter, se rattachant, pour ne pas sombrer dans l'abîme affreux du doute et de la plus déshonorante jalousie, aux marques de sincérité que lui avait donné Suzanne. Que devint-il lorsqu'il acquit, dès le début de ce rendez-vous si désiré, la preuve, l'indéniable preuve, que cette sincérité n'était pas celle qu'il croyait. Il était venu au petit appartement de la rue des Dames avec une expression de souci sur son visage qui n'avait pas échappé à Suzanne, mais à son tendre. « Qu'as-tu ?» Il avait prétexté un injuste article paru dans un journal. Puis il avait eu presque honte de cette innocente excuse, tant elle avait mis de grâce à lui dire « Grand enfant, si tu n'avais pas d'envieux, c'est que tu n'aurais pas de succès. « Parlons de toi, » avait-il répondu, et le cœur battant. « Qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai vu ?» Si Suzanne avait observé en ce moment, elle aurait deviné avec quelle angoisse René lui posait cette question. C'était un piège enfantin, naïf, mais un piège. En 3 fois 24 heures, le soupçon avait conduit René à ce point de défiance. Mais Suzanne était, vis-à-vis de lui, exactement dans la situation où Desforges se trouvait vis-à-vis d'elle-même. Elle ne pouvait pas croire que René agit en dehors du caractère qu'elle lui connaissait. Comment eût-elle pensé que cet enfant jouât au plus fin avec elle? « Ce que j'ai fait, » répondit-elle. « Mais d'abord, l'autre soir, je suis allée au gymnase avec mon mari. Heureusement, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai pu penser à toi toute la soirée, comme si j'avais été seule, et te regretter. C'est être si seule que d'être avec lui. Tu parles des tristesses de ta vie d'artiste, si tu connaissais celle de ma vie de femme du monde, et la mélancolie de ces corvées de plaisir, et celle de ces tête-à-tête. Alors tu t'es ennuyée au théâtre, insista René. Tu n'étais pas là, dit-elle avec un sourire, et elle le regarda. Qu'as-tu, mon amour? Jamais elle n'avait vu à René cette physionomie amère, presque dure. C'est toujours cette puérile colère contre cet article, répliqua René. Il était donc bien méchant. Où est-il paru? Reprit-elle. Mise en éveil par son instinct de maîtresse. Et comme le poète interrogé ainsi à l'improviste balbutiait, « Ce n'est pas la peine que tu le lises. » Elle n'eut plus de doute, il avait quelque chose contre elle. Une question lui vint aux lèvres. « On t'a dit du mal de moi ?» Son esprit de diplomatie profonde eut raison de ce premier mouvement. N'y a-t-il pas un demi-aveu dans toute défiance anticipée? Les vrais innocents ignorent. Il fallait savoir ce que René avait fait lui-même depuis l'autre jour. Et quelle personne il avait vue, capable de lui parler. « Est-ce que tu es allé chez Mademoiselle Rigaud ? » demanda-t-elle d'un air détaché. « Oui, » répondit René, qui ne sut pas dissimuler la gêne ou le jeter cette question. « Et elle pardonne au pauvre Claude ? » continua Suzanne. « Non, » fit-il. Et il ajouta, « C'est une bien vilaine femme. » D'un ton si amer que Madame Morène entrevit, du coup, une partie de la vérité. L'actrice avait certainement parlé d'elle à René. De nouveau, elle fut saisie du désir de provoquer une confidence. Elle pensa que le plus sûr moyen pour arriver à ce but était d'enivrer son amant de volupté. Elle savait combien l'homme est sans résistance contre le flot d'émotions que les caresses versent dans son cœur. Elle ferma la bouche de René d'un long baiser. Elle put voir passer dans ses yeux la flamme du sombre désir, de celui qui nous jette à la folie des sens, pour y boire l'oubli du soupçon, à l'ardeur silencieuse avec laquelle il lui rendit son baiser, et à la frénésie presque brutale de possession qui succéda. Suzanne put comprendre encore davantage que René avait dû souffrir, d'une souffrance à laquelle sa pensée, à elle, était mêlée. Il y avait dans la fureur de cette étreinte un peu de cette âpre colère qui avive la passion en excluant la tendresse. Quand ils se retrouvèrent aux bras l'un de l'autre, au sortir de cette crise aiguë de sensualité, la maîtresse reprit, de sa voix la plus douce, la plus propre à s'insinuer, jusque dans le fond de cette âme qu'elle avait toujours connue si ouverte. « Quel chagrin t'a-t-on fait que tu ne me dis pas ?» Ah, si elle eût prononcé cette phrase dès le début de leur entretien, il n'aurait pas trouvé en lui la force de se taire. Il lui aurait répété son entretien avec Colette, parmi des baisers et des larmes. Hélas, il ne souffrait pas de cet entretien en ce moment. Ce qui lui faisait un mal affreux, ce qui entrait dans son cœur comme une pointe de couteau, c'est de l'avoir surprise, elle, son idole, en flagrant délit de mensonge. Oui, elle lui avait menti. Cette fois, il n'en pouvait plus douter. Elle lui avait affirmé qu'elle était allée au théâtre en tête à tête avec son mari, et c'était faux, qu'elle y avait été triste, et c'était faux encore. À cette interrogation où se trahissait une tendre sollicitude, pouvait-il répondre par ces deux accusations formelles, précises, irréfutables? Il ne se sentit pas d'énergie de le faire, et il se tira d'embarras en répétant sa réponse de tout à l'heure. Suzanne le regarda, et ce fut lui qui détourna les yeux. Elle soupira seulement. « Pauvre René !» Et comme l'heure de se séparer approchait, elle ne poussa pas son enquête. « Il me dira tout la prochaine fois, » songeait-elle en s'en allant. Mais quoi qu'elle en eût, ce silence la tourmentait. Elle aimait le jeune homme d'un amour réel, quoique bien différent de celui qu'elle manifestait en parole. Elle adora en lui, par-dessus tout, l'amant physique. Mais si corrompue fut-elle par sa vie et par son milieu, ou peut-être à cause de cette corruption même, la noblesse d'âme du poète ne la laissait pas indifférente. Elle y trouvait cette sorte de ragoût singulier que les débauchés de l'ancienne école éprouvaient à séduire des dévotes. D'ailleurs, même les délices sensuels de cet amour ne cesseraient-elles pas du jour où serait brisé le cercle d'illusions qu'elle avait tracé autour de lui? Et quelqu'un avait essayé de le briser, ce cercle magique. Ce quelqu'un ne pouvait être que Colette. Tout semblait le prouver. Mais, d'autre part, quelle raison l'actrice pouvait-elle avoir de la poursuivre de sa haine, elle, Suzanne, qu'elle ne devait pas connaître, même de nom? Colette était la maîtresse de Claude, et Madame Morin retrouvait encore ici cet homme de qui elle s'était défiée dès le premier jour. Pour que Colette eût parlé d'elle à René, il fallait que Claude eût lui-même parlé d'elle à Colette. Et les idées de la jeune femme se confondaient. L'archer ne l'avait jamais vue avec René. Ce dernier, elle le savait par son propre témoignage, dont elle ne doutait pas, n'avait jamais fait de confidence à son ami. « Je suis sur une mauvaise piste, » conclut Suzanne. Elle eut beau se raisonner, elle n'arriva pas à se convaincre que son amant fût attristé à cause de ce prétendu article de journal. Un danger menaçait sa chère intrigue. Elle le sentait. Cette sensation s'aggrava encore de ce que lui dit son mari, au lendemain même du jour où elle avait constaté le trouble inexplicable de René. 7 heures allaient sonner. Suzanne se trouvait seule à songer dans le petit salon qu'il avait vu envelopper le jeune homme de ses premiers fils. Aussi ténu, aussi souple que ceux dont l'araignée enserre la mouche égarée dans sa toile. Il était venu, à 5 heures, plus de personnes que de coutume, et des forges, entre autres, qui sortaient seulement. Paul Morin parut, bruyant à son ordinaire, la gaieté peinte sur le visage et, la prenant par la taille, elle s'était levée nerveusement à cette brusque entrée. « Un baiser » dit-il. Il l'embrassa. « 2 baisers !» Et il l'embrassa de nouveau. « Pour me récompenser d'avoir été sage. »« Oui, » ajouta-t-il en réponse à une muette interrogation des yeux de Suzanne. « Cette visite à Madame Komoff, que je devais depuis si longtemps, j'en arrive. Et sais-tu qui j'ai rencontré là ?» Devine. René Vinci, le jeune poète. Je ne comprends pas pourquoi des forges l'a trouvé poseur. Mais il est charmant, ce garçon-là. Il me revient, à moi. Nous avons causé longtemps. je lui ai dit que tu serais contente de le revoir. Ai-je bien fait ? Très bien fait, répondit Suzanne. Qui as-tu vu encore chez la comtesse ? Tandis que son mari lui défilait un chapelet de noms familiers, elle pensait. René est allé chez Madame Komoff. Pourquoi ? Depuis le début de leur mystérieuse relation, c'était sa première sortie mondaine. Il avait si souvent redit à sa maîtresse « Je voudrais n'avoir ici-bas que toi et mon travail. » Et cette visite, si en dehors de tout son programme de vie depuis des mois, il la lui avait cachée, à elle, au lieu que c'était son habitude tendre de l'avertir à l'avance de ses moindres faits et gestes, et voilà qu'il avait rencontré Paul, qui s'était montré ce qu'il était, exactement le contraire du portrait tracé par sa femme. Celle-ci eut un mouvement de mauvaise humeur contre ce brave garçon qui avait commis la grande faute d'aller chez la comtesse le même jour que le poète. Et elle lui dit presque aigrement « Je suis sûre que tu n'as pas écrit à Crucet pour l'Alençon. » « Eh bien, j'ai écrit, » répondit Morène d'un air de triomphe, « et tu l'auras. » Il s'agissait de vieilles dentelles dont le collectionneur, espèce de courtier clandestin de toutes les élégances, avait parlé à Suzanne, et que cette dernière voulait se faire donner par son mari. De temps à autre, elle lui demandait ainsi quelques présents qu'elle put montrer, et dont l'origine conjugale lui permit de dire à des amis bien choisis. « Paul est si gentil pour moi. Voyez le cadeau qu'il m'a encore fait l'autre jour. » Elle oubliait d'ajouter que l'argent de ce cadeau provenait d'ordinaire de des forges, d'une manière indirecte, il est vrai. Quoique le baron ne s'occupât d'affaires que dans la mesure qu'exigeait le sage gouvernement de sa fortune, il rencontrait souvent des occasions de spéculer avec une quasi-certitude, et il en faisait gracieusement profiter Morène. C'est ainsi que tout récemment la Compagnie du Nord, dont des forges étaient administrateurs, avait racheté une ligne d'intérêt local réputée perdue. Paul n'avait pu, prévenu à temps, réaliser sur la hausse subite des actions de cette ligne un bénéfice de 30 000 francs dont une partie allait payer les précieuses dentelles. Cette petite opération financière avait même produit, par ricochet, une scène assez singulière entre la jeune femme et René. Elle l'avait interrogé à l'un de leurs rendez-vous sur la somme qu'avait rapportée le Sigisbée, et elle avait ajouté « Où as-tu placé tout cet argent ?»« Je ne sais pas, » avait dit René en riant. « Ma sœur m'a acheté des obligations avec les premiers 1 000 francs, et puis j'ai gardé le reste dans mon tiroir. »« Veux-tu me laisser te parler, moi aussi, comme une sœur ?» avait-elle répondu. « Nous avons un ami qui est administrateur du Nord et qui nous a donné un renseignement précieux. Me promets-tu le secret ?» Et elle lui avait expliqué toute la combinaison du rachat d'actions. « Fais-en acheter des demain, » avait-elle conclu. « Tu gagneras ce que tu voudras. » « Tais-toi !» avait repris le poète en lui fermant la bouche avec sa main. « Je sais que tu me parles ainsi par tendresse, mais je ne peux pas te laisser me donner des conseils de cet ordre. Je ne m'estimerai plus. » Il avait été si sincère en lui parlant ainsi que Suzanne n'avait pas osé insister. Cette délicatesse lui avait bien paru un peu ridicule. Mais s'il n'avait pas eu de ces délicatesses-là, ce côté gobeur, comme elle disait dans cet affreux argot parisien, qui déshonore même le plus beau des sentiments. La confiance, lui aurait-il plu à ce degré? C'est bien aussi cette délicatesse dont elle avait peur. Si jamais il était éclairé sur les dessous réels de sa vie, quelle révolte contre elle de ce cœur trop noble, trop incapable de pactiser avec l'honneur pour lui pardonner jamais. Et l'éveil lui avait été donné. En songeant aux divers signes de cet éveil constaté coup sur coup, la tristesse de René, sa colère contre Colette Rigaud, ses réticences, sa rentrée subite dans le monde, Suzanne se dit « Ce serait une faute de ne pas provoquer une explication tout de suite. » Aussi, lorsqu'elle rentra dans l'appartement de la rue des Dames, quelques jours de là, sa volonté était bien nette de ne pas commettre cette faute une seconde fois. Elle vit au premier regard que le jeune homme était plus troublé encore et plus sombre, mais elle ne fit pas semblant de remarquer ce trouble ni la froideur avec laquelle il fut reçu son baiser d'entrée. Elle eut seulement un sourire mélancolique pour dire « Il faut que je te fasse un reproche, mon René. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu irais faire une visite à la comtesse? Je me serais arrangé de manière à t'éviter une rencontre qui a dû t'être bien pénible. » « Pénible ?» répondit René avec une ironie que Suzanne ne lui connaissait pas. « Mais Monsieur Morène a été charmant pour moi. »« Oui, reprit-elle, tu as fait sa conquête. Lui, si sarcastique d'habitude, Il m'a parlé de toi avec un enthousiasme qui m'a fait mal. Est-ce qu'il ne t'a pas invité à venir à la maison? Tu peux être fier. C'est si rare qu'il fasse bon accueil à un visage nouveau. Mon pauvre René, continua-t-elle en appuyant ses deux mains sur l'épaule de son amant, et posant sa tête de profil sur ses deux mains, que tu as dû souffrir de cette amabilité. Oui, j'ai bien souffert, répondit René d'une voix sourde. Il regardait ce gracieux visage si près du sien. Il se rappelait ce qu'elle lui avait dit au Louvre devant le portrait de la maîtresse de Giorgione. Mentir avec une physionomie si pure. Elle lui avait menti cependant. Et qui lui prouvait qu'elle ne lui eût pas menti toujours? Il avait, en proie au tourment de la défiance et depuis la rencontre de Paul, subi un assaut d'affreuses hypothèses. Le contraste avait été trop fort entre l'accueil que lui avait fait Morène et le caractère de mari tyrannique décrit par Suzanne. « Pourquoi m'a-t-elle trompé sur ce point encore ?» s'était demandé René qui était venu chez Madame Komoff sans but bien précis. Mais avec l'espérance secrète au fond de lui qu'il entendrait parler de Suzanne par les gens de son monde. Cela, du moins, devait la connaître. Hélas, d'avoir causé avec Morène lui avait suffi pour le jeter de nouveau dans le pire abîme du doute. Une vérité lui était devenue évidente. Suzanne s'était servie de son mari comme d'un épouvantail, afin de n'avoir pas à le recevoir chez elle. Lui, René, pourquoi? Sinon qu'elle avait un mystère à cacher dans sa vie. Quel mystère! Colette s'était par avance chargée de répondre à cette question. Sous l'influence de cet horrible soupçon, René avait conçu un projet d'une exécution très simple et dont le résultat lui parut devoir être décisif. Profiter de l'invitation du mari pour demander à Suzanne d'aller chez elle. Si elle disait oui, c'est qu'elle n'avait rien à dissimuler. Si elle disait non, et le jeune homme, en qui revenait toute cette pensée, continuait à regarder ce visage adoré sur son épaule, comme chacun de ses traits si fins remuait en lui une rêverie, ses prunelles d'un bleu si frais, comme il avait eu foi en elle, ce front d'une coupe si noble, de quelle pensée délicate il l'avait cru habiter, cette bouche menue et sinueuse, avec quel tendre abandon il avait écouté parler. Non, ce qu'avait raconté Colette n'était pas possible. Mais pourquoi ces mensonges? Un premier, un second, un troisième? Oui, elle lui avait menti trois fois. Ah, il n'y a pas de mensonge insignifiant. René le sentait à cette minute, et que la confiance subit, comme l'amour, la grande loi du tout ou rien. Elle est ou elle n'est pas. Tous ceux qui ont dû la perdre le savent trop. « Mon pauvre René !» répéta la voix de Suzanne. Elle le voyait dans cet état d'extrême tristesse, ou d'être plein, amolli le cœur. L'ouvre tout entier. « Oui, bien pauvre !» reprit le jeune homme qui venait d'être remué par cette marque de pitié reçue au moment où il en éprouvait le plus intime besoin. Et la regardant jusqu'au fond des yeux. « Écoute, Suzanne, j'aime mieux tout te dire. J'ai bien réfléchi. Cette vie que nous menons ensemble ne peut pas durer, j'en suis trop malheureux. Elle ne suffit pas à mon amour. Te voir ainsi, furtivement, une heure aujourd'hui, une heure après-demain, et ne rien savoir de ce que tu fais, ne rien partager de ton existence, c'est trop cruel. Tais-toi, laisse-moi parler. Il y avait une grosse objection à ce que je fusse reçu chez toi, ton mari. Eh bien, je l'ai vu. J'ai supporté de le voir. Nous nous sommes donné la main. Puisque c'est fait, permets-moi du moins d'avoir les bénéfices de cet effort. Je le sais, ce n'est pas fier, ce que je te dis là, mais je ne suis plus fier. Je t'aime. Je sens que je vais me mettre à nourrir sur toi des idées mauvaises. Je t'en supplie. Permets-moi d'aller chez toi, de vivre dans ton monde, de te voir ailleurs qu'ici, où nous ne nous rencontrons que pour nous posséder. Pour nous aimer, interrompit-elle en se séparant de lui et secouant la tête. Ne blasphème pas. Et, se laissant tomber sur une chaise. Ah, mon beau rêve! Ce rêve que tu avais compris cependant, auquel tu semblais tenir comme moi, d'un amour à nous, rien qu'à nous, sans aucun de ces compromis qui te faisaient horreur comme ils me font horreur. C'en est donc fini. Ainsi, tu ne veux pas me permettre d'aller chez toi, comme je te le demande? Insista René. Mais c'est la mort de notre bonheur que tu veux de moi, s'écria Suzanne, tel que je le connais. Si délicat, si sensible, tu ne te supporteras pas dans mon intimité. Tout te blessera. Tu ne le connais pas, ce monde où je suis obligée de vivre. et combien tu es peu fait pour lui. Et puis, tu me tiendras responsable de tes désillusions. Ah, renonce à cette fatalité, mon amour. Renonce-y, je t'en conjure. Qu'avez-vous donc à cacher dans votre vie que vous ne voulez pas que je voie ? Interrogea le jeune homme, qui la regarda de nouveau fixement. Il ne se rendait pas compte que Suzanne, en lui parlant, n'avait eu qu'un but, lui faire dire la cause de cet inattendu désir de bouleverser leur relation. Et cette cause devait être celle qui l'avait rendu triste l'autre jour, qui l'avait conduit chez Madame Komoff comme par surprise. Elle ne se méprit point au sens de l'interrogation de René, et elle lui répondit, avec la voix brisée d'une victime qu'une injustice écrase. « Comment, René ? C'est toi qui me parles ainsi ? Mais non, quelqu'un t'a empoisonné le cœur. Ce n'est pas de toi que viennent de semblables idées. Ah, viens chez moi, mon ami, viens-y tant que tu voudras. Quelque chose à cacher de ma vie, moi, qui aimerais mieux mourir que de te faire un mensonge. » « Mais alors, pourquoi m'as-tu menti l'autre jour ? » s'écria René, vaincu par le désespoir qu'il croyait lire dans ses beaux yeux, désarmé par l'offre qu'elle venait de lui faire, incapable de garder plus longtemps le secret de sa peine. Il éprouvait ce besoin de dire ses griefs, qui équivaut, dans une querelle avec une femme, à passer sa tête au lasso. « Moi, je t'ai menti ? » répondit Suzanne. « Oui, reprit-il, quand tu m'as dit que tu étais allé au théâtre en tête-à-tête avec ton mari. » « Mais j'y suis allé. » « Moi aussi, » interrompit René. « Il y avait quelqu'un d'autre dans ta loge. »« Des forges ?» fit Suzanne. « Mais tu es fou, mon pauvre René. Tu es fou ? Il est venu nous rendre visite dans un entr'acte et mon mari l'a gardé jusqu'à la fin de la pièce. »« Des forges, » continuait-elle en souriant. « Mais ce n'est personne. Je n'ai seulement pas songé à t'en parler. Voyons, sérieusement, tu ne peux pas être jaloux de des forges. » « Ah, tu étais si gaie, si heureuse !» reprit René. Ingrat, dit-elle, si tu avais pu lire en au-dedans de moi. Mais c'est cette nécessité de toujours dissimuler qui fait le malheur de toute ma vie. Et te voir, toi, me la reprocher? Ah, René, c'est trop dur, c'est trop injuste. Pardon, pardon, s'écria le jeune homme, que le naturel de sa maîtresse remplissait d'une soudaine évidence. Ah, c'est vrai, quelqu'un m'a empoisonné le cœur, cette Colette. Que tu avais raison de te défier de Claude. « Je ne me suis pas laissé faire la cour par lui, » dit Suzanne. « Les hommes ne pardonnent pas cela. » « Le misérable !» reprit le poète avec violence, et comme pour se débarrasser de ses angoisses en les disant, « Il a su que je t'aimais. Comment ? Parce que j'étais gauche, embarrassée. La seule fois où je lui ai parlé de toi, il me connaît si bien. Il a tout supposé et tout dit à sa maîtresse, et d'autres infamies. Mais non. « Je ne veux pas te les répéter. »« Répète, mon ami, répète !» insista Suzanne. Elle avait sur son visage en ce moment le fier et résigné sourire des innocents qui marchent à la mort. Elle continua. « On t'a dit que j'avais eu des amants avant toi ?»« Si ce n'était que cela, » fit René. « Quoi alors, mon Dieu ? » reprit-elle. « Ah, que m'importe d'ailleurs ce que l'on peut dire, mais que toi, mon René, tu aies pu le croire ? Allons, confesse-toi. » « Pour ne rien garder sur le cœur, j'ai au moins le droit d'exiger cela. »« C'est vrai, » répondit le jeune homme. « Et on si honteux que si c'eût été lui le coupable, il balbutia plutôt qu'il ne prononça les mots suivants. « Elle m'a dit tenir de Claude que tu étais ?»« Non, je ne peux pas l'articuler. »« Enfin, que des forges ?»« Encore des forges, » interrompit Suzanne en souriant, avec une douce ironie. « Mais c'est trop comique. » Elle ne voulut pas que René formulât l'accusation qu'elle devinait maintenant. Sa dignité de maîtresse ne devait pas descendre à une telle discussion. On t'a dit que Desforges avait été mon amant, qu'il l'était encore sans doute. Mais ce n'est même plus infâme, tant c'est bouffon. Pauvre vieil ami. Lui, qui m'a connue haute comme cela. Il était toujours chez mon père, il m'a vu grandir, il m'aime comme sa fille. Et c'est cet homme-là? Non, René, jure-moi. Que tu ne l'as pas cru. Est-ce que j'ai mérité que tu me juges ainsi ? Fin de la section 27, lue par Stéphanie.